Chapitre 4. Malgré la distance qui les séparait du comte, les domestiques et le postillon entendirent ces deux cris précipités. Ils revinrent en courant sur leurs pas et trouvèrent M. Dallon accroupi sur la route, regardant dans l'abîme. Autour de lui, la neige éboulée creusait un sillon qui se perdait dans les vagues profondeurs du ravin. « Ah, mon Dieu !» dit le postillon. « La dame est tombée. Voyez, le pied lui aura manqué. » Les domestiques effarés allaient autour de leur maître, dont tout le corps était penché en avant. L'un d'eux le prit par le bras. « Mais que monsieur le comte prenne garde, il va tomber lui aussi. » Le comte releva la tête, son visage était effrayant à voir. « Tombée, elle est tombée, » dit-il, et il se pencha de nouveau sur le gouffre. On entendait tout au fond le bruit d'un torrent qui bondissait sur son lit de roche. Tout à coup, l'épagneul, qui depuis le bas de la côte allait et venait, flairant et jappant, accourut au bord de la route. Il posa son nez sur la neige et hurla. Pendant quelques minutes, il gratta la terre, rampant sur le ventre et suivant le sillon, puis tout à coup il se dressa sur ses pattes, bondit et disparut. M. Dallon fit un pas en avant pour le suivre, mais le postillon et les balais le retinrent. « Vous vous feriez tuer, voilà tout !» dit le postillon. « Des cordes alors !» dit M. Dallon, « des cordes et que je descende. » On courut à la voiture. Un paquet de cordes s'y trouvait. Cette corde fut roulée autour du corps de M. Dallon. Le postillon et l'un des domestiques en prirent un bout et il descendit sur les traces du chien dont les hurlements semblaient l'appeler. Il arriva ainsi sur le bord d'un large torrent dont les eaux fougueuses filaient à grand bruit. Le chien s'était jeté dans le torrent, suivant le fil de l'eau, abordant çà et là sur les deux rives et plongeant avec des cris plaintifs. Sur les rameaux d'un buisson pendait un lambeau d'étoffe arraché aux vêtements d'Esther. M. Dallon s'éloigna de ce lambeau de soie et se mit à courir le long du rivage aussi vite que ses forces le lui permettaient. Une sueur glacée trempait la racine de ses cheveux. Harassé de fatigue, il tomba bientôt sur un quartier de roc et resta silencieux, promenant autour de lui des regards qui ne voyaient rien. Cependant, las d'attendre, les domestiques descendirent au fond du ravin par une brèche et trouvèrent leur maître immobile, cachant sa tête entre ses mains. Leur approche le fit tressaillir. Il se leva et les suivit. Il était blême et agité de mouvements convulsifs. « Comme il l'aimait !» dit l'un de ses hommes. Au bout d'un quart d'heure de marche en aval, on aperçut une pelisse accrochée aux branches d'un sapin renversé au bord du torrent. Près du tronc, sur un lit de cailloux lavé par l'eau, gisait le cadavre d'une femme. L'épagneul était accroupi près de l'arbre. Il hurlait. Les jambes de M. Dallon fléchirent à cette vue, et c'est à peine s'il eut la force d'approcher. Le visage de cette femme était déchiré et méconnaissable, mais sa chevelure était longue et pareille à celle d'Esther. Ses vêtements souillés avaient la forme et la nuance de ceux qu'elle portait. Henri tomba sur les genoux et s'évanouit. On transporta le cadavre dans la chaumière la plus voisine, et deux jours après, sur la déclaration du comte et de ses gens, le corps de Madame Dallon fut cloué dans une bière, conduit à Noisy et enseveli près de son père. Henri resta 6 semaines au château, passant la moitié du jour couché près de cette tombe. Le reste du temps, il se promenait dans les allées du parc, seul et silencieux, sans voir jamais personne. Plus tard, il retourna à Paris, et 4 ou 5 mois après, il commença ce train de vie bizarre, où le deuil et l'extravagance se mêlaient, et où nous l'avons surpris au commencement de cette histoire. L'hôtel de la rue Le Pelletier était fermé et avait pour seuls habitants un vieux serviteur, auquel M. Dallon en avait remis les clés, et l'épagneul qui courait le jour dans le jardin et dormait la nuit dans une niche. Les choses en étaient là au mois de février 1842. Il y avait alors 3 ans et quelques mois qu'Esther était morte. M. Dallon venait d'entrer dans sa veine de gaieté. C'était chaque jour de nouvelles folies et chaque nuit de nouvelles amours. Le carnaval secouait sa fièvre sur Paris. La ville trépignait sous le retentissement de 100 orchestres, et toute cette jeunesse, qui afflue à Paris des 4 coins du monde, tourbillonnait, abusant à la fois de ces 3 choses qui ne sont bonnes que parce qu'on les prodigue, son cœur, sa fortune et son esprit. M. Dallon était, à cette époque-là, fort intime avec une habitante de la rue Olivier-Saint-Georges, qui se faisait passer pour Castillane parce qu'elle dansait le boléro. Il venait d'enlever Paquita, c'était le nom de cette fille du pays de Chimène, un colonel anglais qui était arrivé de Madras à Paris tout exprès pour se guérir de la fièvre et de l'ennui. Cet anglais, qui s'appelait Sir Arthur W., avait attrapé une gastrite à force de souper ce qu'il avait guéri de sa fièvre, mais le malheureux n'était pas encore venu à bout de son ennui. On ne pouvait pas le ruiner. Il avait satisfait jusqu'à la satiété les caprices de trois parisiennes, et ses rentes avaient suffi à tout combler. Après dîner, quand il était gris, Sir Arthur s'écriait en parodiant Shakespeare « une dette, ma fortune pour une dette !» Et il pleurait dans son vin de champagne. Paquita était la seule femme qui put réaliser son rêve. Aussi l'aimait-il avec la frénésie d'un homme qui a suspendu toutes ses espérances à un fil de soie. Un soir, dans un souper dont M. Dallon faisait partie, Sir Arthur arriva l'œil brillant et le sourire aux lèvres. « Encore un effort, dit-il, et je suis sauvé. »« C'est-à-dire ruiné, répliqua-t-on. « Hélas, non. Paquita fait bien tout ce qu'elle peut, et beaucoup d'autres n'en feraient pas autant, mais elle était à bout de fantaisie lorsque ce matin une idée triomphante lui est venue. À peine en ai-je entendu l'expression que j'ai failli m'évanouir de joie. La réalisation de cette idée me coûtera 3 millions. Qu'elle en trouve une seconde de cette force-là, et je touche au déficit. » À ces mots, Sir Arthur regarda le ciel d'un air attendri. « À propos d'idées, il m'en vient une, Sir Arthur, » s'écria M. Dallon. « Pour vous désennuyer, tout à fait, j'ai presque envie de vous enlever, Paquita. » À ces mots, l'anglais devint livide. « Tenez, » reprit Henri en riant, « voilà que vous avez peur. La peur vaut mieux que le spleen. »« M'enlever, Paquita, » s'écria Sir Arthur. « Vous ne me l'ôterez qu'avec la vie. »« Comme vous voudrez, » répondit le comte. On se mit à rire et l'on n'y pensa plus. Le lendemain, M. Dallon se rendit chez Paquita. « Je viens vous faire mes adieux, » dit-il à l'espagnol. « Vous partez ? Dans une heure. »« Où donc allez-vous ? Je n'en sais rien. C'est une affaire à démêler entre le diable et le bon Dieu. » Paquita regarda M. Dallon. « Expliquez-vous, » dit-elle. « Parbleu, c'est assez clair. Dans une heure, j'habiterai l'enfer ou le paradis. Où pensez-vous, ma chère amie, que l'on se trouve le mieux ? « Vous voulez vous tuer ? C'est-à-dire qu'on veut me tuer ? C'est un duel ? Précisément. Avec qui ? Avec Sir Arthur. Oh mon Dieu, vous êtes mort !» s'écria l'espagnol en joignant les mains. « C'est un fantôme qui vous parle, Paquita. » Vous savez que cet anglais tire le pistolet comme les tyroliens tirent de la carabine et manie l'épée de façon à rendre jalouse l'ombre du chevalier de Saint-Georges. « Je le sais. Mais pourquoi ce duel ? Parce que je vous aime. » Paquita enveloppa M. Dallon d'un sourire et d'un regard. « Mais c'est là un motif de plus pour vivre, » dit-elle. « Sir Arthur ne veut pas que tout le monde vive. » « L'égoïste, » fit l'espagnol tout bas, avec un joli mouvement d'épaule. M. Dallon lui raconta les propos qui avaient précédé le dîner de la veille. « On est venu me conter ce matin, » ajouta-t-il, « que Sir Arthur avait pris le parti radical de m'immoler pour être bien sûr de vous conserver. » J'avoue que cette crainte me rendra un peu fat au moment de partir. « Mais s'il prétend tuer tous ceux qui m'aiment, » s'écria Paquita, « Sir Arthur veut donc faire un autre Père Lachaise de la rue Olivier ?»« C'est un jardin dont je veux être le premier cyprès, » reprit Henri en cueillant une rose dans une jardinière. « Ce duel est-il inévitable ?» demanda Paquita. « Les témoins de Sir Arthur seront chez moi dans un quart d'heure. » Paquita frappa du pied. « C'est un moyen que je vous demande et non pas un renseignement, » reprit-elle impatientée. « En 15 minutes, il y a place pour 15 moyens. Je n'en veux qu'un. Alors je choisis le meilleur. Voyons, je vous enlève. Hein ? Je comptais partir seul pour le purgatoire. Vous me tiendrez compagnie pour aller au paradis. Où donc est-il, ce paradis ? Où vous me conduirez ? À Saint-Germain ou au Pérou ? » Paquita sourit mais ne répondit pas. Sa main chiffonnait le ruban de son peignoir. Elle semblait rêver et regardait les aiguilles de la pendule. Au bout de 5 minutes, M. Dallon prit son chapeau et salua. Quand il fut à la porte du boudoir, Paquita se pendit au cordon d'une sonnette. « Ma foi, dit-elle, je ne suis pas une sainte pour vous laisser mourir. » Et ayant demandé des chevaux de poste, elle partit avec M. Dallon. Il y avait déjà 3 ou 4 jours que Paquita s'était enfuie sans que personne dans Paris eût encore découvert l'asile où se cachaient les deux coupables. L'anglais crevait des escadrons de chevaux de poste sur toutes les routes et ne trouvait rien. Le bruit de l'enlèvement s'était répandu dans Paris et l'on en causait partout. Les uns pariaient que les deux amants étaient partis pour l'Amérique, d'autres pensaient qu'ils étaient allés à Batignolles. Quand vint le samedi, l'opéra ouvrit ses portes pour son bal hebdomadaire. 10 ou 12 jeunes gens, qui étaient les intimes d'Henri, se groupèrent contre le mur qui sépare le foyer du couloir des premières loges. Une douzaine de dominos étaient avec eux. Chacun demandait des nouvelles des fugitifs et personne n'en donnait. « Au moins, avez-vous vu Sir Arthur ?» dit M. de Sarty, jeune pair de France qui en était à sa troisième succession. « Je l'ai vu ce matin assis sur les reins de Cromwell, qui piaffait devant la porte de son hôtel, » répondit M. de T. « Cromwell aussi ? C'est un cheval mort. » « Voilà un enlèvement qui dépeuplera le Slotbook, » dit un sportsman. « Il partait m'acheter au galop ces trois mots, je les tiens. » « Alors il ne les a pas, » dit un domino qui d'un bond venait de s'asseoir sur une banquette. « C'est juste, » fit un autre, « s'il les tenait, il ne les poursuivrait pas. »« Les amants qu'on poursuit, » ajouta un troisième, « ont des bottes de 7 lieues. » »« Ces amants-là trouvent des capots à tous les relais, » reprit un quatrième. « Vous dites qu'il ne les aura pas, moi je vous dis qu'il les a. » Le domino qui venait de parler était vêtu d'une robe de satin noir et d'un ample camail qui flottait autour de sa taille. Ses mains couvertes de gants noirs disparaissaient sous de larges manches, et l'on ne voyait de son visage que les yeux qui brillaient par les trous du masque. « Qu'en sais-tu donc ? » lui demanda le pair de France. « Rien, je le devine. Si je n'étais pas à l'opéra, je me croirais à Cume, et si tu n'étais pas en robe de satin, je te prendrais pour la Sibylle. » Une femme qui attend devine à coup sûr. « Si tu l'attends, » dit un jeune lion qui frisait sa moustache, « mets un crêpe à ton capuchon. Si l'anglais a rencontré M. Dallone, M. Dallone est mort. » « Tu parles d'un homme qui doit 10 000 francs au comte Henri depuis 5 ans. Un coup d'épée t'acquitterait. » Le lion rougit et regarda le domino avec des yeux tout étonnés. On se mit à rire autour de lui. « Tu connais donc aussi mon voisin ?» demanda M. de T. « Aussi bien lui que toi. Cependant, je ne te connais pas. » « Oh, tu fais mieux encore, tu m'as oublié. Un homme aussi vertueux que toi passe l'éponge sur les souvenirs de sa jeunesse. Lui, vertueux, la vertu chez un secrétaire d'ambassade, où diable va-t-elle se nicher ? » s'écria-t-on de toutes parts. « Vous en faut-il une preuve ? Écoutez, il y a 3 ou 4 ans, une femme, elle était mariée, mesdames. « Bien, dit un domino, elle n'est pas de mes amis. » Une femme à qui M. de T faisait la cour se présenta chez lui un soir que les diables bleus troublaient son imagination. Il pleuvait et ils étaient seuls. « Un vrai temps de vaudeville !» s'écria une bergère blonde qui croquait des pralines. Ce fut un temps de morale en action. Le catéchisme n'est pas plus honnête que ne le fut M. de T. « Ah bah !» fit un domino avec un étonnement naïf. M. de T était placé entre sa passion, une passion qui s'exprimait en point d'exclamation sur du papier glacé, et son oncle, le ministre, qui parlait par le moniteur en prose officielle. Il vit d'un côté son bonheur, qui pouvait bien amener un peu de scandale, et de l'autre sa destitution. L'amour eut tort, et il offrit à son adoré son bras et un parapluie pour le ramener chez son mari. « Voilà une prouesse qui empêchera le fantôme de Scipion de dormir !» s'écria M. de Sarty, qui sauta au cou de M. de T, au milieu des éclats de rire de l'aéropage féminin. M. de T n'avait pas dit un mot durant ce récit. Jamais il n'avait confié le secret de son aventure avec Madame Dallone à qui que ce fût. La surprise le pétrifiait. « C'est le diable !» dit-il en plongeant ses regards effarés dans les trous du masque. « Et voilà sa griffe !» s'écria le domino qui venait de déganter une ravissante main modelée dans l'albâtre. En ce moment, 10 exclamations partirent du groupe au milieu duquel M. Dallone venait tout à coup de pénétrer. « Le voilà !» s'écria-t-on, « c'est lui, et lui vivant ! Es-tu bien sûr de n'être pas mort ?»« Aussi sûr que Sir Arthur ne s'ennuie plus, » répondit Henri. « Où l'as-tu laissé ? » lui demanda-t-on. « Où l'on quitte les gens heureux, chez lui ? » ?»« Et Paquita ? » ?»« Ils sont ensemble. Le bonheur est comme Janus, un dieu à 2 visages. »« C'est merveilleux, » dit un roué de 20 ans. « Bon, » répliqua un domino, « ce sont des miracles quotidiens. Quelle femme n'a pas un petit morceau de la baguette de Moïse ?» 1000 questions jaillirent à la fois de la banquette autour de laquelle se pressait la moitié des désœuvrés de Paris. « Veuillez vous rappeler, » dit M. Dallone, « que voilà déjà 3 jours que je manque de Paris. Il n'en faut pas tant pour perdre l'habitude de répondre à tout le monde à la fois. Vous voulez un récit, j'obéis, et je serai court pour être charitable. » On se rangea autour du héros, et chacun fit de son mieux pour observer le silence. « Mon Odyssée, dit M. Dallone, commence à Paris et finit à Paris. Nous étions partis, Paquita et moi, pour l'Amérique. En conséquence, nous nous sommes arrêtés au PEC. De la fenêtre de notre chalet, nous voyons passer les courriers de Sir Arthur. Les courriers arrivent, mais ne rencontrent pas, c'est leur métier. Quand ils étaient passés, nous montions en chaise de poste et nous allions dîner au rocher de Cancale. Sir Arthur maigrissait. Il pleurait son idée, une idée de 3 millions qu'il faudrait économiser. « Non pas, interrompit un domino. Si l'Anglais avait perdu Paquita, nous nous étions jurés les unes aux autres de nous coaliser pour le ruiner. « Quelle sainte alliance !» s'écria le comte, et il reprit. Au bout du 3e jour, un paysan me remit un billet sans signature qui me donnait rendez-vous au bal de l'opéra. Je le montrai à Paquita. « Il faut y aller, » me dit-elle. Paquita s'était sacrifiée pour moi, je pouvais bien m'amuser pour elle. Le lendemain, à midi, tandis que nous déjeunions, un homme à cheval arrive comme une tempête, saute à la porte de notre logis, frappe, entre, monte les escaliers 4 à 4 et se précipite dans la chambre. Paquita part d'un éclat de rire. Elle avait reconnu Sir Arthur que la boue tachetait comme un tigre. « Monsieur, me dit-il, j'ai des pistolets dans les poches de mon waterproof. Je me lève et je le salue. « Vous allez tuer Monsieur Dallone ?» dit Paquita. « C'est fâcheux. À ce duel où il perdra la vie, vous perdrez-vous une idée ?»« Une idée ?» s'écria Sir Arthur dont le front s'illumina. « Une seconde, Milord, une idée de 4 millions. »« Ingrat, » ajouta-t-elle en me désignant du geste, « c'est lui qui l'a trouvé. » Paquita n'avait pas fini déjà que l'Anglais me broyait les mains entre les siennes. La joie le rendait muet. Ce grand philosophe inconnu aimait Paquita comme on aime une théorie. Le chagrin lui avait ôté le sommeil. Le plaisir lui rendit l'appétit. Il se mit à table, déjeuna, dîna et soupa consécutivement. À 4 heures, il dormait les coudes sur la nappe. Il voyait le déficit en rêve et bégayait tout bas. « 4 millions ? Ah, mon Dieu ! » dis-je à Paquita. « Et l'idée ? » ?»« Je la trouverai. La reconnaissance m'en fait un devoir, » reprit-elle. À 10 heures, nous partions, et à minuit, Sir Arthur me serrait la main une dernière fois, jurant, mais un peu tard, qu'il ne s'ennuyait plus. Le domino qui avait prédit le retour d'Henri avait écouté ce récit sans détourner son regard des yeux de l'orateur. Quand il se tut, le domino tira de sa ceinture une petite montre. « C'était pour 2 heures. Il est 2 heures, » dit-il. « J'ai presque failli attendre. »« Ah, c'est donc vous, l'inconnu au billet ?» dit M. Dallone. « C'est moi. »« Et que me voulez-vous ? C'est mon secret. »« Faites-en une confidence et ce sera le plus doux des secrets, un secret à deux. » « Il y a des secrets qui tuent, » répondit le domino. « Oh, oh !» s'écria M. de T. « Vous avez des secrets que nous ne connaissons pas et vous savez les nôtres. D'où venez-vous donc ?»« De l'autre monde, » dit la femme en riant. « Les fées ont un nom, » reprit M. Dallone. « Dites-nous le vôtre. »« Un nom, je n'en ai point, ou du moins, je n'en ai plus. » »« Ah, mon Dieu !» dit un débardeur suspendu au bras du pair de France. « Vous allez voir que c'est un domino trouvé. »« Au moins, » reprit la bergère, « nous diras-tu ton âge ? Les magiciennes sont un peu vieilles, souvent. » Le domino appuya sa main sur le bras du débardeur. Ses yeux étincelaient comme 2 étoiles au bord d'un nuage noir. « Mon âge, » dit-il en éclatant de rire, « calcule, il y a 4 ans que je suis morte. » Le débardeur sauta en arrière. Ce mot lugubre, mêlé à cet éclat de rire et jeté au milieu de l'ivresse du bal, avait glacé la gaieté sur ses lèvres. « Oh, » dit-il, « vous avez la main froide comme du marbre. » Le domino retira lentement sa main et croisa ses bras sur son camail. Voilà un conte fantastique en capuchon, s'écria M. de Sarty, que l'épouvante du débardeur et la gravité du domino égayaient. Pour une trépassée, tu as l'air bien jeune, reprit M. Dallone en saisissant la main fine et blanche de l'inconnu. Les morts sont toujours jeunes. Je ne date que du mois d'octobre 1838. Le comte frissonna de la tête aux pieds. Cette date était entrée dans son cœur comme un coup de poignard. Le domino passa son bras sous le sien. « Voulez-vous connaître mon secret ?» lui dit-il. M. Dallone fit un effort sur lui-même et parvint à sourire. « Votre premier chapitre promet un beau dénouement, » dit-il. « Je vous écoute. » Le domino écarta du geste le cercle de curieux qui l'entourait. mais M. de T voulut le retenir. « Avec vous, j'ai fini. Je recommence avec lui, » répondit l'étrange créature. « Laissez-moi. » « Cette femme me fait peur, » dit la bergère qui s'attachait au bras de M. de Sarty. « Ses regards ont des éclairs. » Tandis qu'elle parlait, M. Dallone et le domino s'éloignaient ensemble. La porte d'une loge voisine s'ouvrit devant eux et ils disparurent. Le bruit formidable de la musique qui retentissait au fond de la salle dissipa la folle terreur du comte. Il se pencha coquettement vers le domino. « Vous semblez si charmant, mon beau fantôme, que ce serait à se tuer pour ne pas vous quitter, » lui dit-il. « Croyez-vous que tous ceux qui meurent se retrouvent ? Si vous le pensez, que ne vous tuiez-vous le 17 octobre 1838 ? Je suis morte ce jour-là. » « Le 17 octobre ?» murmura M. Dallone, qui sentit une sueur froide mouiller ses tempes. « Le 17 octobre, à 3 heures, au ravin de Saint-André, regarde. » Et d'un geste rapide, le domino fit sauter les cordons de son masque. M. Dallone poussa un grand cri et tomba.